Oh, comment Moi, c'est? je peux te terminer comment tu Oui? penses? Avec l'intelligence instantanée. Faisons la main à ceux qui ne savent pas ce que j'entends par intelligence instantanée. Toutes les autres, vous avez suffisamment d'intelligence instantanée Non. pour savoir ce que c'est? On a démoli. C'est la faculté qu'a l'humain de savoir une chose sans l'avoir expérimentée. Ça veut dire que si on demande à un enfant nouveau qui est suffisamment ajusté avec lui-même, dans quelle main nous tenons un objet, 100% des fois, il va vous dire dans laquelle vous le tenez. Alors, c'est effectivement traumatisant pour les adultes conventionnels et les adultes normaux. L'enfant nouveau, comme l'enfant transitif d'ailleurs, a de plus en plus accès à un savoir instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra de plus en plus faire de choses qu'il n'aura pas appris parce que lui se posera pas la question. Quand il aura besoin de savoir une chose, il le saura, puis il l'appliquera. Alors, quand je dis qu'il n'aura pas besoin d'expérimenter les choses, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas nécessaire qu'il y aille pour le savoir. Si vous passez devant une maison qui est brûlée, quelque chose comme ça, quelque chose dont il n'y a rien d'intérêt, ben, il y a des fortes possibilités qu'ils vous disent, ah oui, mais on va-tu voir, il y a telle affaire dedans. Si vous rentrez avec lui dedans, vous allez voir que c'est pas trompé. Puis normalement, les parents ont peur de tout ça. L'intelligence, ça fait peur. Et puis, il faut pas avoir peur parce qu'on brime l'enfant. Ou on pense un paquet de choses idiotes sur son compte. Puis c'est ça de l'intelligence. L'homme est en transition, les enfants le sont un peu plus parce qu'ils sont moins colorés par la mémoire que l'adulte. Puis la transition, ben, c'est qu'à un moment donné, il faudra bien que l'humain comprenne ce qui lui arrive, qu'est-ce qui fout sur la planète, qu'est-ce qui se passe. Et puis l'enfant à nouveau, de plus en plus la possibilité non seulement de le comprendre, mais de le dire. Et si on fout un enfant nouveau dans un cours de catéchèse, il y aura de gros problèmes pour le professeur. Le professeur qui est suffisamment ajusté saura comprendre l'intelligence de son cours pour faire des choses. Correct. Surtout que dans la majorité des cas, quand on est dans un contexte théologique catholique, ben, le nazaréen, c'est un enfant nouveau. Alors, je pense qu'au nom de celui-là, on peut pas maudire les autres. Quand lui est venu, ben, il a expliqué à tous ceux qui savaient que ceux qui savaient, savaient rien. Puis, il a changé bien des choses. L'enfant nouveau fait la même chose. Dans n'importe quel domaine. Or, faut pas avoir peur. C'est parfait. On va répondre à ces questions-là. Et puis, au fur et à mesure, si vous en avez oralement, ben, vous posez vos questions. Oui. Comment s'organiser quand un enfant nouveau se poigne aux cheveux avec sa grand-mère? Quel âge il a? 16 ans. Il serait temps qu'il apprenne à s'ajuster? À 16 ans, on peut presque considérer que l'éducation est terminée. D'ailleurs, pour un enfant nouveau, vers 12-13 ans, c'est presque terminé. 14 ans, on peut considérer que c'est terminé. Qu'est-ce que je veux dire par terminer, c'est qu'on ne peut plus les éduquer. On peut devenir des amis, faut s'arranger. De toute façon, faut s'arranger pour être des amis avec les enfants depuis jeune âge. Un enfant nouveau, ce qui serait parfait pour lui, c'est qu'il appelle jamais ses parents, maman ou papa. Qu'ils appellent par leur prénom. Puis lui, il a un prénom, puis on ne doit pas lui donner un surnom. C'est ce qui se On doit passe. l'appeler par son prénom. C'est très important pour l'enfant nouveau parce qu'on le garde, on lui donne son individualité, puis lui, il accepte de respecter ses parents comme il est respecté. Ma fille, c'est ce qu'elle fait éventuellement. Elle m'appelle par mon nom. Elle a quel âge? 16 ans. La mère, ma mère, et sa grand-mère. T'as pas été éduquée comme ça. Tu manques de politesse devant ta mère. Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Hein, Dans ce temps-là, il faut s'arranger pour éliminer l'un des deux parties. Pas le choix. Tu peux pas dire à un enfant qu'il a tort quand il a raison. C'est évident, parce que je fais l'arbitre comme c'est là. J'en ai Ouais, ben, dans ce trois, temps-là, j'ai faut. 17-18 ans, là, avec la mère dans la maison. Là. Ça fait du monde à Tu ajuster. connais la réponse. Merci. C'est bien simple. Dommage, mais c'est comme ça. C'est pas le choix. Alors, vous gênez pas pour vos questions, pour interrompre, pour parler? Soyez au moins à la hauteur de vos enfants, hein, Torieux. Ça y va. Oui. Comment faire pour ne pas insécuriser un bébé lorsqu'on est en transition et insécure égoïquement? Bon, le bébé, il a quel âge? Dis-moi. On est en transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain qui est en transition est une personne de type ancien qui a des symptômes de type nouveau. C'est une personne qui doute, une personne qui cherche, une personne qui se trouve peut-être plus, une personne qui, à un moment donné, a l'impression d'être anormal ou d'être différent. Une personne qui peut souffrir de ça, une personne qui peut finir par accepter d'être anormal puis de se foutre d'être anormal. Une personne qui peut, en tout cas, la transition, c'est une personne qui a des symptômes de l'homme nouveau, des symptômes de l'homme ancien. Évidemment, l'enfant, à l'intérieur de tout ça, vit un cadre assez intéressant, c'est-à-dire que quand la mère est ancienne, elle vient lui donner des informations anciennes, puis quand elle est nouvelle, elle vient lui donner de l'information nouvelle. Puis l'enfant, à travers tout ça, ben, il sait plus pas en tout s'il y a une mère ou deux. C'est effectivement très traumatisant pour l'enfant. Alors, de quelle façon, ben, faut s'arranger pour, et c'est facile à dire, s'arranger pour toujours être le plus nouveau possible face à l'enfant quand on approche de l'enfant. L'enfant en broye, il faut qu'on apprenne à diagnostiquer, à déterminer, à décoder ses pleurs. Il broye pour téter de l'énergie ou il broye pour téter du lait? Est-ce qu'il broye parce que dans sa psychologie, il souffre ou s'il pleure parce que physiquement, il perçoit des symptômes? Il est mouillé? Il a mal quelque part? Il a faim? Puis la personne, l'éducateur, doit nécessairement répondre à l'enfant exclusivement quand l'enfant a des besoins physiques, pas quand l'enfant a des besoins psychologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant a besoin des parents. Il broye. Vous y allez pas. Il broye plus fort. Vous y allez pas. Ça veut dire, il va finir par être traumatisé. Allez-y pas. Il va arrêter de broyer. Broyons pas éternellement. Il va commencer à s'occuper de lui-même. Là, c'est le temps d'y aller. Or, l'enfant va décoder que s'il va avoir la mère ou le père, mais c'est quand il rit qu'il vienne, pas quand il broye. Lentement, on programme l'enfant à être un enfant heureux, plutôt qu'un enfant malheureux. Puis il broye toujours pour rien. Ben, il broye pas pour rien, il broye pour avoir. On va dire, oui, mais demande les dons! Pas appris à le demander. Il y a des adultes encore qui sont comme ça, puis souvent, ce sont les femmes. Oui, mais tu devrais savoir. C'est ça, demande-le pas. L'enfant est souvent comme ça. Il broye. La bonne femme, elle a rien qu'à décider qu'est-ce qu'elle a besoin de trouver. Elle devrait savoir, c'est la mère. Je veux un cornet. Quelle sorte? Ah, tu le sais! Achetez-y, achetez-lui ce qu'il y a de pire. La prochaine fois, il va vous dire à quoi. Ou il va aller se chercher lui-même. C'est très important d'éduquer l'enfant à être indépendant. À pas toujours être pogné. Alors, l'enfant, il broye. Si l'enfant, il rit, on va le voir. Il apprend à parler, il apprend à communiquer. C'est important. Alors, la mère, ben, qui est en transition, ben, à un moment donné, elle s'ennuie de son enfant, elle saute d'un bras, elle colle, elle nourrit d'émotions, puis elle instruit l'enfant à avoir besoin. La journée qui est transitive, qui est plutôt nouvelle, l'enfant, il broye, là, il en a besoin. Là, elle va pas y en donner. C'est évidemment très insécure pour l'enfant, il comprend plus ce qui lui arrive. Alors, essayez de vous brancher. Restez ancien face à l'enfant ou restez nouveau face à l'enfant. Sinon, ben, dénichez-vous un gardien ou une gardienne qui, quand vous filez pas, va pouvoir s'en occuper un petit peu. Souvent, les parents vont dire c'est très mauvais que l'enfant soit toujours en gardiennage. Pourquoi c'est très mauvais? C'est très bon. Il apprend à être autonome plus vite. Il apprend à moins souffrir du manque de ses parents. Il apprend à se démerder, il apprend à rencontrer les gens, puis il apprend beaucoup plus vite. Ça fait des enfants qui quittent la maison rapidement. Et oui, puis après. Avant, il fallait quitter à quel âge? 28 ans, 30 ans. À un moment donné, 21 ans. Après ça, 18 ans. Puis à 18 ans, ils réussissent aussi bien qu'à... Puis maintenant, à 16 ans, c'est accepté. Vous savez peut-être qu'un gars à 14 ans peut marier une fille à 12 ans ici au Québec. C'est légalement reconnu. Il peut pas coucher avec tant qu'elle n'aura pas 14 ans, par exemple. Il peut la marier à 12 ans. Alors, on a plein de conneries, mais c'est intéressant. Sauf que l'enfant, on délimite quand il doit faire des choses. Plus vite il va être autonome, plus vite il va vouloir partir. L'enfant vous appartient pas. Alors, quand il va vouloir partir, c'est quand il va être prêt à partir. Il faut pas avoir peur, faut pas penser qu'il est bien jeune, parce que rappelez-vous que l'intelligence, ça ne dépend pas de l'âge, du corps physique. L'enfant, il a 6 mois, l'enfant, il est insécure parce que la mère est transitive, ou le père est transitif, ou les parents sont transitifs. Arrangez-vous pour avoir une seule forme devant lui. Soyez nouveau ou soyez ancien. C'est pas un problème d'être un ou l'autre. Mais organisez-vous pour que l'enfant finisse pas par être carrément perdu. Est-ce que c'est important pour un enfant de 6 mois d'avoir sa mère avec lui la majorité du temps? Première question. Si c'est un enfant nouveau et on va le détecter comment? La façon dont il va brailler pour nous manipuler. Moins il sera avec sa mère. Faut s'entendre comment on dit avec sa mère. C'est-à-dire que s'il est dans une pièce puis il voit la mère ou il entend des bruits ou des choses comme ça, c'est correct. Mais comme ceux, par exemple, qui veulent toujours être à traîner la poussette à côté, là, puis là, ils font le vaisselle, puis ils s'en vont faire leur passage, puis ils s'en vont, tu sais, là, ceux-là, là. Non. Puis l'enfant devrait apprendre à coucher dans une autre pièce au plus vite. Pas coucher avec les parents. Un enfant de 6-7 ans peut coucher avec les parents, aucun problème. Mais on parle de l'enfant de 6 mois. Il doit apprendre à se sevrer au plus vite des besoins souffrants de l'émotivité humaine. Il doit apprendre ça au plus vite. Parce que sinon, il va en souffrir toute sa vie. Et puis, s'il est suffisamment nouveau, il va souffrir doublement parce qu'il va passer son temps à être en maudit contre lui d'être pogné comme ça. Il y en a beaucoup aussi qui vivent déjà ça. C'est comme ceux qui ont peur. Tu t'inquiètes pour rien. Oui, mais j'arrive pas à faire autrement. Maudit que je suis niaiseux. Ben, c'est ça. T'es pas niaiseux, mais t'es pogné t'inquiéter. T'as une programmation qui fait que tu t'inquiètes. Même si mentalement, tu vois que ça sert à rien, tu t'inquiètes pareil. Ben, l'enfant, on le programme rapidement à être pogné comme ça. Alors, à 6 mois, à la naissance, l'enfant, de toute façon, l'enfant doit être sevré, maternellement au plus vite. C'est-à-dire qu'il doit cesser de boire du lait maternel le plus rapidement possible. Pour la simple raison que dans le lait maternel, il y a énormément d'hormones que la mère va sécréter. Ces hormones-là sont sécrétées par tout son système émotif. Donc, nécessairement, tout ce que la mère vit émotivement et hormonalement, transcodé dans l'hormone, et c'est présent dans le lait. Et tant que l'enfant tète la mère, premièrement, il absorbe les hormones de la mère, donc il reste intimement, psychologiquement, émotivement lié à l'émotivité de la mère. Et deuxièmement, tant que la mère se fait têter par l'enfant, elle doit rester une femelle avertie, c'est-à-dire que le cerveau, percevant la tétée, continue à sécréter un paquet d'hormones qui assujettissent la mère à être émotivement reliée à l'enfant. Alors, la mère devient hyper émotive, l'enfant devient hyper émotif, la mère est convaincue que l'enfant, c'est elle, touchait pas son bébé, voulait toucher ben raide. Il y a tout un paquet de problèmes qui fait que la mère se laisse charrier parce qu'elle est hormonalement trop sensible. Alors, on défait ça le plus rapidement possible, libérant l'enfant. Ça va prendre 4, 5, 6 mois pour que la mère redevienne ce qu'elle était avant d'être enceinte. Et puis là, elle pourra transiter encore plus facilement. L'enfant, on doit s'arranger pour qu'il soit autonome le plus vite possible. On peut lui donner des jouets, on peut lui donner des bébelles, évidemment, il y en a besoin. Et je répète qu'un enfant évolue plus vite si on le couche sur le ventre que sur le dos. Très important, on couche un enfant sur le ventre, pas sur le dos. Sur le dos, il peut s'étouffer, mais c'est pas tellement ça qui est le problème, c'est que sur le dos, l'enfant doit développer énormément de force pour tourner la tête pour voir ce qui se passe dans la maison. Alors, il va regarder le plafond en place, c'est plus économique en énergie. Sur le ventre, il se tourne la tête ou il se tourne la tête, mais là, au moins, il va voir les choses. Je parle d'un enfant de 6 mois, encore une fois, là. Alors, il y a plein de trucs, soyez simplement logiques et rationnels, vous allez voir que ça devient facile. Forcez l'enfant à faire des efforts, c'est-à-dire que vous placez le haut de la couchette pour qu'il puisse voir dans la cuisine, puis vous couchez l'enfant dans le bas de la couchette. Ben, il va apprendre à ramper pour monter vers le haut s'il veut voir ce qui se passe dans la cuisine. Souvent, les parents ont peur de demander à leurs enfants de vivre de l'effort. Puis dans l'école, comme dans les garderies, c'est la même chose. L'enfant doit apprendre à faire ce que vous êtes obligé de faire puisque vous avez passé votre vie à faire. Les parents sont pas là pour adoucir l'évolution de l'enfant. Ils sont là pour le garder en vie, c'est tout. Alors, tout ce que vous avez appris, vous l'avez appris en l'expérimentant. Puis si vous interdisez à l'enfant d'apprendre comme vous, c'est comme si vous déclareriez qu'il est une lavette. Quand vous allez mourir, il va être fait. Alors, vous avez appris que le poêle brûlait parce que c'était chaud, l'enfant devra aussi apprendre que le poêle brûle parce que c'est chaud. Ça veut-tu dire qu'il doit aller s'asseoir dessus? Non. Mais vous n'êtes pas assis dessus, vous autres non plus. Vous en avez appris des choses par l'expérience. Oui, mais j'aimerais ça éviter ça à mon enfant. Vous êtes devenu intelligent parce que vous avez dû apprendre à jouer avec la vie. Laissez-leur la possibilité de le faire. Alors, à 6 mois, c'est la même chose. Alors, conserver l'enfant trop proche des parents, c'est très mauvais. Le mettre dans des garderies, ça peut être très bon. Ah, il faut avoir un contact avec l'enfant, mais il faut avoir un contact d'amis. Pas de parents, d'amis avec l'enfant. On ne parle jamais à un enfant tout croche. Allô, bon chou! Comment il va aujourd'hui? On lui parle comme on parle à un adulte. Avec des voix, avec une parole ajustée. Alors là, on développe l'enfant. Là, on lui permet, parce que l'enfant, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, à 4 ans, il parle. Qu'est-ce qu'il se rappelle de sa mère, puis de son père? Hein? Il peut bien penser qu'ils sont arriérés. C'est intéressant de penser qu'il y a un bonhomme qui a éduqué 5 chiens. Ses chiens, il les faisait rentrer dans la maison. Ses chiens, ils mangeaient à table avec lui. Ses chiens, il leur parlait. Ses chiens, il leur montrait des choses. Il s'assoyait, les chiens venaient, il leur montrait des encyclopédies, il leur montrait des photos à ces chiens-là, des bergers allemands. À un moment donné, ils étaient connus un petit peu, des dresseurs de chiens. Et puis on a fait un film, on lui a demandé s'il pourrait pas prêter deux de ses chiens. Il n'y a pas de problème, je peux vous prêter celui-là puis celui-là. Et puis dans le film, ben, à un moment donné, il y avait un bébé qui était dans une maison en feu. Le chien devait rentrer dans la maison, ramasser le bébé et sortir avec le bébé. Jusqu'à date, chaque fois que ça avait été fait avec un animal, le bébé était une poupée. Là, ils se sont permis de le faire avec ce chien-là parce qu'ils savaient que le chien ne paniquerait pas. À un autre moment donné, c'est un enfant de 5-6 ans qui est en train de se noyer. Le chien plonge, va le ramasser puis le ramène. L'enfant aurait des problèmes. Puis il s'est nagé, mais il a 6 ans. Ces chiens-là, les journalistes sont venus interviewer le bonhomme, sont rentrés chez lui, puis le gars leur a dit « Ah, ils parlent même 3 langues. Ils comprennent 3 langues. » Le journaliste rit un peu. Le gars leur a même dit « Ils savent lire. » Là, c'était un peu poussé. Alors, le gars leur a dit « Ben, j'ai un paquet de peinture ici, écrivez sur un papier en anglais laquelle que vous voulez que le chien vous montre. » Alors, le gars a écrit « Montre-moi la peinture avec un bateau qui flotte sur l'eau. » En anglais. Il a montré ça au chien, le chien est allé s'asseoir en dessous de la bonne peinture. Le gars, ils ont fait des expériences après ça, et puis ils se sont rendus compte que chaque chien connaissait, en français, le chien connaissait un peu plus que 600 mots. Un adulte ordinaire en connaît normalement 350 pour fonctionner. Ils connaissaient l'allemand, l'anglais et le français, ces chiens. C'est les chiens, ça. Ils sont secrets, ben je les traite comme des adultes. Comme des humains. C'est des chiens. Traitez un enfant comme un humain, puis comme un adulte, et vous verrez ce que vous allez pouvoir en faire. Ça va être génial. Vous n'aurez plus besoin d'aller voir le psychologue. Vous allez voir vos enfants, puis vous leur parlez, puis ils vont tout vous expliquer. Alors, c'est très important de s'arranger pour que l'enfant soit traité comme un adulte. Il n'y a pas de monde d'enfants. Il n'y en a pas. Le seul monde d'enfants intelligent, c'est un monde logique matériel. Donnez-leur des chaises qui leur conviennent, des tables qui leur conviennent, des outils qui leur conviennent. Mais il ne faut pas créer un monde psychologique de l'enfant. Ou un jour, ils devront sortir, garochés par leur puberté, se ramasser dans un monde effroyable, le monde de l'adulte. Où tout ce qu'ils ont appris est faux, où tout ce pourquoi ils ont été préparés devient illusoire et faux, où il n'y a plus rien. Ça, c'est bien, bien important. L'enfant, il a 3 ans, il doit apprendre à échanger énergétiquement. Il veut ça, il n'en a pas besoin, il devra l'acheter. Il va rendre service, on va y rendre service. Il veut ça, on devra échanger. C'est pas chien. Le monde de l'adulte fonctionne comme ça. Plus vite il va apprendre à être gagnant là-dedans, mieux ça va être pour lui plus tard. Toute éducation ancienne est basée sur l'idée que l'enfant doit vivre dans son monde psychologique. Dernièrement, il y a une personne qui disait « Oui, mais aujourd'hui, ils ont même plus le temps de vivre leur enfance. » Ben voyons donc. Il y en a parmi vous qui avaient commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, tu n'avais même pas 20 ans. Il y a à vivre leur enfance, il y a à vivre tout le long de leur jeune adulte. J'étais au Guatemala, puis le tenancier d'une auberge, à un moment donné, ben il m'a parlé, il a fallu que j'aille me pencher, c'était un enfant de 7 ans, il était à peine assez grand pour qu'on le voie. Le bonhomme, il était chaud, puis il dormait en arrière. Puis c'est plus facile de barguiner avec les adultes qu'avec les maudits enfants. Alors eux autres, ils vivent bien. Il se démerde en sacrebleu. Prenez un enfant de 12 ans ici, placez-le dans le même contexte que l'autre à 7 ans là-bas, puis il peut pas vivre. Alors, l'idée qu'on a que l'enfant vit dans un monde psychologique, le sien, savez-vous ce que c'est? C'est que l'enfant est intelligent, puis on lui montre en fur et à mesure de son éducation devenir intellectuel. C'est-à-dire, à ne plus faire référence à ce qu'il sait, mais à faire référence plutôt à ce qu'il va avoir appris. Ça, c'est très problématique, ça empêche l'évolution complète des sociétés, parce qu'au lieu de se fier sur du neuf, on met du vieux dans l'enfant, puis l'enfant, ben il va être à avancer un petit peu, la société avance bien lentement. Alors, à un moment donné, l'enfant, il parle avec des amis invisibles, puis là, on dit, c'est son monde à lui. c'est le monde. C'est l'adulte qui vit dans son monde à lui. L'enfant, il vit dans la réalité. L'enfant, il va voir quelqu'un mourir, ça le touche pas. Dans son monde à lui, ça le dérange pas. Dans la réalité cosmique, ça dérange pas. Dans le monde de l'adulte, ça dérange. Pas dans le monde de l'enfant. Alors, l'enfant, il est dans le monde. C'est sûr que si il veut boire un abreuvoir dans un parc, c'est intéressant que l'abreuvoir soit à sa hauteur. Mécaniquement, matériellement, on a juste le monde. Mais l'enfant doit être considéré comme un adulte dès sa naissance. Ajusté. Il y a des mots qu'il comprend pas, c'est comme s'il parlerait une autre langue, alors on lui montre. Mais pas penser que l'enfant vit dans un monde d'enfant. L'adulte vit dans un monde d'illusion. L'enfant vit dans la réalité. Il est capable d'aimer puis il souffre pas. Ah, mais il va finir par apprendre les souffrances de l'amour. Brillant. Quand il va rentrer dans le monde de l'adulte, il va apprendre qu'aimer, il faut souffrir. Quand que c'est normal de chicaner quand on s'aime. Que dans un couple, les chicanes, c'est normal. Ça prouve la santé du couple. C'est pas un enfant nouveau qui va trouver ça brillant. Alors, il y a plein de trucs dans le genre. Fait que l'enfant, ben, plus vite il se sépare du contexte émotif, du besoin affectif, mieux c'est. Il va devenir un ami. Vous savez que l'amitié, c'est bien plus proche de l'amour intelligent que l'amour comme on connaît. Un beau psychologique. Un ami, vous le respectez. Celui avec qui vous vivez, vous le respectez pas. Votre ami décide de changer, ah ben, c'est correct. Votre chum, votre blonde, votre mari, votre femme décide de changer. Oh, wow, un instant. S'il pense que, si elle pense que. Et quand c'est un ami, on respecte. Faites de vos enfants des amis. Question suivante. Qu'y a-t-il de particulier entre la mère et l'enfant à cet âge de 6 mois? Système hormonal, c'est ce que tout à l'heure je vous expliquais. L'enfant, bon, on rentre dans... faut bien comprendre, faut disons, sortir un peu de la psychologie moderne qui comprend rien. Ben, qui comprend ce que l'enfant était il y a 30 ans. Premièrement, biologiquement, les médecins maintenant sont d'accord pour dire qu'effectivement, le système hormonal est suffisamment... est le grand véhicule, le médiateur, l'exprimateur du phénomène émotif. Lorsque la mère a l'enfant dans le ventre, théologiquement, l'intuition théologique depuis longtemps dit que du moment que l'enfant commence à, que le fœtus est dans le ventre de la mère, il vit les émotions de la mère. La psychologie a fini par accréditer dernièrement qu'effectivement, si la mère vit des traumatismes émotifs, l'enfant qui va naître risquera d'être déjà altéré par ça. Pourquoi? Parce que la mère vit cela, elle l'induit dans son système hormonal, l'hormone est transportée par le sang, le fœtus se nourrit directement du sang de la mère, ce qui fait que si la mère vit trop d'émotions, bonnes ou mauvaises, ça équivaut à transfuser directement dans le fœtus des hormones. C'est exactement comme si on prendrait une seringue, on bourrerait ça d'hormones, puis on vous en donnerait plein. Mais vous allez avoir physiologiquement les mêmes symptômes que différentes émotions. Et vous risquez fortement, en voyant ça, d'engendrer la correspondance au niveau de votre psychologie, donc de vivre émotivement ce que votre corps vit. Alors, tant qu'on nourrit l'enfant émotivement, la mère, elle, recrée dans l'enfant et le même processus psychologique émotif que chez elle. C'est que nécessairement, elle se retrouve dans l'enfant. Elle a réellement l'impression, mais ce n'est pas une impression dans la réalité des choses, c'est vrai. L'enfant, c'est elle. Puis évidemment, pour l'enfant, la mère, c'est lui. Alors, ils resteront hyper attachés ensemble. Il va donc devoir y avoir un sevrage hormonal. Et pendant ce sevrage, pourquoi je dis que la mère doit s'occuper de l'enfant d'une façon logique, intelligente, le traiter en ami, et pas trop se servir de l'enfant pour le têter émotivement. Et ça, il y a beaucoup de mères qui font ça, c'est qu'ils prennent l'enfant puis qu'ils l'aiment bien. T'sais? Mais ils se foutent de l'enfant, ils le têtent, ils ont besoin pour eux. Ils aiment l'enfant pour eux. Ils mettent des enfants au monde pour le jouer dans les cheveux, pour pouvoir s'en occuper. C'est le gros problème. On se balance de l'enfant, on vient téter l'enfant, le besoin. Il faut faire attention pour ne pas se servir des enfants comme des poupées. Parce que une fois que l'enfant hormonalement a été éliminé, c'est-à-dire qu'il a réussi à éliminer les hormones de sa mère, il devient un peu plus lui. Si émotivement on est trop collé dessus, ben on oblige vibratoirement à recréer ces mêmes hormones, puis l'enfant finit par se créer un ego, puis se reconstituer de ces mémoires-là, et il aura donc nécessairement besoin de la mère. Un besoin émotif qui peut être problématique plus tard. Alors pourquoi la mère est si assujettie à l'enfant, si attachée? C'est par le fait que hormonalement, l'enfant présentement est le constituant de la mère, surtout. Le père un peu, mais vu que c'est le sang de la mère qui nourrit l'enfant pendant 9 mois, ben nécessairement, hormonalement, l'enfant est déjà amiquement, psychologiquement constitué de ce que la mère lui aura transmis, donc nécessairement, la mère se retrouve dedans. Quand je dis que la mère et le père, d'ailleurs, se réincarnent de leur vivant dans l'enfant, ben c'est exactement ça que ça veut dire. Si on regarde l'intuition théologique, par exemple, il y a des témoins de Jéhovah qui disent qu'on ne doit pas faire de transfusion sanguine parce qu'on transfuse l'âme. L'âme, c'est le principe où va se vivre l'émotion, c'est la psychologie. Ben effectivement, dans la psychologie manipule le corps par une partie du cerveau et se transmet par le système hormonal. Transfuser du sang, c'est transfuser les hormones. Donc, nécessairement, on ne transfuse pas l'âme, on transfuse ce qu'elle a imprimé. Alors, la personne qui reçoit le sang va être un peu comme l'autre. Oui, oui, mais pendant 2 semaines. Le temps que le corps élimine tout ça, puis le corps va être vivant. Transmission d'organes, c'est pareil. Alors, c'est donc ce genre de choses qu'il faut comprendre. Pourquoi que la mère reste pognée avec l'enfant pendant un bout de temps au niveau émotif? Qu'arrive-t-il à un enfant de 6 mois dont la mère sort beaucoup avec et sans l'enfant et qu'elle n'a pas créé de routine pour ses repas, son sommeil, ses sorties? L'enfant a rencontré un nombre important de personnes depuis ses premiers jours. Sera-t-il nécessairement insécure? Il ne sera pas insécure, même loin de là. Par contre, c'est important que du moment que l'enfant va être capable d'écouter et de parler, donc de comprendre certaines choses, de lui expliquer que vous avez fait ça, que vous l'avez trimballé d'un bord puis de l'autre, que vous l'avez prêté un paquet de monde, puis que faisant cela, il a découvert le monde plus vite que tous ses chums. Parce que sinon, il risque d'apprendre avant que vous lui instruisez, de l'extérieur, que ses parents sont pas corrects. Parce que c'est pas des bons parents, ils l'ont fait garder tout le temps, ils l'ont trop trimballé un peu partout, etc. Les enfants qui naissent à bord de voiliers, puis qui naissent sur des voiliers qui font le tour de la Terre 3, 4, 5 fois, et des enfants qui naissent, puis qui à 5, 6 ans débarquent, vont à l'école pour la première fois, ils débarquent de leur voilier, ils vous en pas. Ils sont pas malheureux. Les parents qui trimballent leurs enfants partout, c'est intéressant, mais trimballez-les comme des valises. C'est-à-dire que ayez pas, ça c'était très important. Et quand mes enfants étaient très jeunes, ben évidemment, ils sortaient. Et puis moi, j'ai jamais réussi à arriver à pouvoir penser que les enfants, ça était des problèmes. Alors, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on les amenait n'importe où, ils jouaient, ils chicanaient. On était invités chez quelqu'un, chez toi. Mes enfants, ils font les fous. J'ai rien qu'à le dire. Et moi, je me frustrais pas que tu chicanes. On est chez toi, t'as tes lois, t'as ton écosystème, t'as ton cadre. On vient chez toi, on devra se soumettre à ce qui est chez toi. C'est logique. Mes enfants sont tannants, ben, si toi tu dis rien, c'est parce qu'ils te dérangent pas. Si te dérange pas, moi me dérange pas. Puis si te dérange, moi me dérange pas non plus, va le dire. C'est tout à fait logique. Parce que sinon, ce qui arrive, t'amènes tes enfants chez moi, puis ils s'amusent. Moi me dérange pas. Toi, t'es toujours en train de penser qu'ils me dérangent, puis tu te sens mal toute la soirée, puis t'es toujours après eux autres, puis... Si tu penserais comme moi, puis tu dirais, s'il dérange Daniel, qui a qu'à le dire, tu te sentirais bien toute la soirée. Puis si par hasard, il me dérange même pas, ben, ils vont sentir bien tout avec moi avec. Puis s'ils m'ont donné chicane, puis ça m'achale, m'allez leur dire. Ils vont leur expliquer à ma façon. Puis aujourd'hui, il y a plus d'adultes qui boivent les enfants, hein, t'auras pas peur, je les bats, je veux dire, t'sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand ils vont m'écouter bien plus que si c'est toi qui le parles. Qu'est-ce que ça veut dire quand un adulte s'entend mieux avec les enfants qu'avec des adultes? Parce que l'adulte est sans doute transmissif. Puis les enfants sont plus intelligents que la majorité des adultes. Alors, il s'établit une complicité plus facile avec les enfants. C'est sûr qu'on préférait être plus avec les enfants qu'avec les adultes? Oui. 2 choses. Premièrement, c'est qu'on peut têter l'énergie de l'enfant, ce qui nous rajeunit, ce qui nous tient en forme. C'est tout à fait correct. Et deuxièmement, ben, si on est suffisamment transitif, on va avoir une complicité avec eux autres, ce qui fait qu'on va arriver à embarquer, on va dire, plus dans leur monde. Mais en réalité, c'est plus dans la réalité. Les autres adultes, ben, ils ont comme un monde... Mais les autres adultes, ils trouvent pas ça normal de nous voir jouer les enfants? Ça fait normal, ils trouvent ça anormal. Premièrement, ils sont jaloux, donc ils peuvent pas trouver ça normal, hein. Puis en te disant que c'est anormal, ils pensent t'insulter, te sentir que c'est un péché, que c'est une faute, puis ils pensent te récupérer. C'est tout à fait anormal qu'un adulte joue avec des enfants. Dans un monde de fous, c'est anormal. Mais dans un monde logique et intelligent, je trouve tout à fait ça normal. N'importe quel adulte devrait rencontrer n'importe quel enfant puis vibrer avec. N'importe quel enfant devrait sentir bien n'importe où ce qu'il va aller. C'est tout à fait intelligent. C'est pas normal, soit. Mais c'est tout à fait intelligent. Ouais, mais bon. Oui. Mais la société est faite pour les enfants. Elle n'a jamais été faite pour les enfants, mais tant que l'enfant, non, l'enfant se laissait former, ça paraissait pas. Non, mais dire que pire, il y en a plus. Partout où est-ce que tu vas? La semaine passée, je m'en vais avec le petit. À la téléboutique, OK? Il s'est mis à jouer avec les ballons parce qu'il y avait ouvert un nouveau téléboutique. Bon, il dérangeait personne. Ben, première nouvelle, puis il m'a dit, moi, j'aimais mieux ça que je joue avec les téléphones, bedang, parce que ça rien de robot. Je vais jouer avec les ballons. Là, j'avais tous les adultes autour qui me regardaient en disant, j'ai pas ce truc-là à l'aide, puis je vois comment. Il va payer le vent à son flambe. Ça, ça me fait que je suis capable d'y aller avec ça. C'est déjà ça. Il va payer à partir de ceux qui chiolent, qui vivent. Et puis, il a enlevé le ballon. Ça, c'est assez normal. Ici, j'ai failli. Premièrement, il a commencé à jouer avec les téléphones. Je suis fou avec les téléphones. Je peux pas jouer avec les ballons. Je joue avec les téléphones. T'as bien fait. Puis, j'étais maudit. Puis, je suis venue proche de faire une crise. Là, je suis encore, j'ai encore trop des gros. Je t'arrête 2 secondes, c'est bien important. S'il a dit de jouer avec le téléphone, je t'ai bien fait. Ben oui. Il peut en casser, ben qu'il casse. C'est ça. Puis, tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que lui sache que sa mère est complice. C'est toi qui l'as à maison. Faut que tu unisses le contact. Si quand t'as un téléphone, ça change rien. C'est plus important que t'aies un contact avec lui. Puis le pire, c'est que lui, il jouait, puis il, donc ça devenait un cadre stupide. Embarque pas dans le jeu des stupides, embarque dans le jeu de l'enfant, il a raison. Okay? Ça manque dans la majorité des cas d'éducation, c'est qu'on veut paraître correct. Alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Aux yeux de l'enfant, on paraît débile, mais aux yeux des autres, on paraît correct. C'est avec l'enfant qu'on travaille, pas avec les autres. Faut paraître correct aux yeux de l'enfant, pas aux yeux des autres. Faire une crise, ça sert à rien. Mais dis bien à l'enfant qu'eux autres, c'est une gang de niaiseux. Parce que lui, il sait. S'il sait que tu le sais, ben, au moins, c'est correct. Puis quand il y aura des... Là, il va pouvoir commencer à évoluer avec toi. Pas contre toi. Ça, c'est bien important. La société, elle n'est pas parfaite. Elle permet bien des choses. Si l'adulte ne la change pas, ben, l'enfant va changer. Et si l'adulte ne la change pas, si vous n'êtes pas de ceux qui allez la changer, quand l'adulte, quand l'enfant va la changer, il va vous clairer en même temps. Mais c'est partout, tu t'es toujours regardé. Tu vois, je le sais. Tu t'es regardé, bon, ça, je me dis qu'il mange la merde. Mais je veux dire, tu finis, tu sais, c'est voisin, c'est ci, c'est ça, c'est tout bon, Pierre-Jean-Jacques. Tu puis là, toi, tu penses, la folle est fou. Oui, mais c'est vrai aussi que t'es une folle avec un fou. Non, ça me fait bien de passer pour folle. Tu passes pas pour folle, aux yeux d'eux autres, t'es folle. Mais ben, tes yeux sont fous. Non, mais je l'ai dit, la Terre, c'est une grosse asile psychiatrique. C'est correct. Tu continues à faire ce que tu fais là, c'est parfait. Mais c'est bien important de comprendre que c'est pas les autres qui sont importants, c'est la relation qu'on a en tant que pédagogue avec l'enfant. Moi, j'irais plus loin dans ce qu'elle dit. J'irais jusqu'à dire que quand on a des enfants, on se sent tellement seul dans notre coin parce que on va pas parler à personne parce qu'ils ont eu des enfants. Tous les enfants ont de 20 ans, là. Les gens qui ont des enfants de 20 ans, ça peut être des anges. Il y avait qu'à les regarder, là, pis ça, ou pis ça, là. C'est des enfants anciens, c'est en plein. C'est merveilleux. Oui. Ensuite, ceux qui ont des enfants de ton âge, ils sont premiers de classe, sont super dans ci, les champions dans le hockey, les champions dans ci, j'en viens. Toi, là, tu regardes tout ça, pis à un moment donné, tu te dis, je suis la seule mère sur la terre qui réussit rien avec mes enfants. Mm. Je suis la seule mère sur la terre qui a des enfants qui m'obéissent pas, qui vont tester ce que je vais leur apporter, qui vont des petites vengeances, en des cas. Tu sais, moi, des cas, il y a des moments où je me sens tellement seule, là, puis démunie, là, j'ai l'impression d'être la seule sur la terre, puis là, à partir de là, forcément, là, je me sens pas une bonne mère, je me dis, j'ai raté mon coup, je l'ai pas, je sais pas quoi faire. Comment ça se fait que le sien est mieux? Je vis ça, là, vraiment. Une chose que tu sais pas, par contre, c'est que le tien va être le patron plus tard des autres. Mais pour l'instant, mes enfants, c'est qu'ils ressentent presque la même chose parce que ils vont même pas aux enfants de leur âge. Non, parce qu'ils ont l'impression d'être toujours différents. Mais c'est ça, mais il faut leur expliquer qu'ils le sont. Tu sais, j'ai des enfants qui adorent lire, j'ai pas des sportifs, là. J'ai jamais réussi à leur faire. Non, ils aiment s'instruire. J'ai pas réussi à les faire sortir dehors puis dire jouer là au grand air puis en voici là puis foncer pour avoir des dizaines d'amis. J'ai des enfants vraiment solitaires qui lisent, qui aiment regarder leurs films puis qui sont devant l'ordinateur puis plutôt dans la maison, pas sportifs. C'est pour ça que... Ils ont de la difficulté à s'intégrer aux autres parce qu'ils ne se sentent pas comme les autres, puis ils ne sentent pas que la société accepte ça. Puis, comme je vous dis, moi, je suis d'accord avec elle. On a tous l'impression qu'ils ne sont pas corrects. C'est très difficile. Mais c'est ça qui est important. Les autres, ils ne sentent pas qu'ils sont comme les autres. Ils sont différents. Ils ne sentent pas que la société les accepte, elle les rejette. C'est pas rien qu'ils ne sentent pas, ils ont raison. C'est pour ça que c'est important de leur expliquer que c'est comme ça. Puis qu'eux autres peuvent, il y a des clés pour traverser dans la société pareille, pour arriver à monter. Puis il faut surtout que, ben, que penser qu'on n'est jamais seul, puis qu'il y en a d'autres, puis que la meilleure manière d'arriver à faire quelque chose, c'est de s'arranger pour trouver où sont les autres. Mais les autres veulent vraiment pas le dire. Va pas te parler, essayer de parler à une amie. Elle va toujours te dire, tu n'as pas de problème, ils sont bien. Mais les parents veulent paraître de bons parents. Parle pas à une voisine, puis j'ai parfait, sien. Tout le monde, là, tout le monde, ils ont des enfants parfaits. Il y a des cliniques qui sont pas parfaits, ça va. Ça va de soi. Hé, hey, là, je me dis, j'aimerais voir les solutions. Parce qu'on va pas entendre qu'il y en a une qui sont pas parfaits. Ça ne fait pas coupable d'arriver, eux autres. Un enfant nouveau ne sent pas coupable de faire des choses. Surtout qu'il est tellement âgé, de façon, Vincent, il est rendu assez âgé, c'est évident qu'il ne peut plus. Il a quel âge, 7 ans? 8 ans. 8 ans, bon. Pourtant, il est même identifié. Pourtant, tu sais, peut-être à n'importe qui. C'est bien important de bien savoir, c'est ça que je te dis, c'est que toi, à un moment donné, tu peux te sentir coupable, récupéré par les autres. Tu dois pas. On doit pas. Si l'enfant conteste, c'est qu'il réfléchit. C'est pas l'enfant qui conteste rien, c'est qu'il remet rien en question. C'est quoi? C'est qui change les sociétés? C'est les marginaux, c'est ceux qui remettent en question des choses. Pas ceux qui pensent que tout est parfait. Donc, les tiens, ils créent des problèmes, ils sont imparfaits. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'ils sont parfaits. Ils sont intelligents. C'est sûr qu'étant intelligent, ça crée des problèmes. Par rapport à l'adulte, qui aimerait avoir des enfants plates. Mais l'enfant plate, il crée pas de problème. Mais il bâtira rien non plus, puis notre société, on n'est pas sur la planète Terre pour rien. On n'en parle pas ce soir, mais de toute façon, l'humain a un rôle à jouer, puis l'humain évolue. Mais quand l'enfant devient intelligent, tout ce qui est con, il peut plus faire de demi-mesure. C'est ou ce n'est pas, il y a pas de, tu sais, bon, ben, c'est pas rien faire avec ça. Fait que toi, c'est normal qu'il te conteste, il est en train d'apprendre à être capable de jouer avec le mot oui, avec le mot non. Tandis que les enfants anciens, ben, c'est des enfants qui comprendront pas puis qui vont y aller. Mais c'est les premiers à se faire violer, c'est les premiers à avoir des jobs qui sont inutiles, même si on bien rémunératrice, ces jobs-là. Il va dire, oui, mais ça fait 15 ans, je fais de maudit job. Moi, j'aurais voulu faire. Et il y a un enfant nouveau, il va faire ce qu'il va vouloir faire. Il va bâtir le job s'il le faut. S'il aime vivre dans le bois, ben tu vas le perdre. Il va vivre 3 mois, 3 ans, 15 ans dans le bois entrappeur, tu vas le perdre. Mais tu vas dire, oui, mais j'ai raté mon coup avec cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il est devenu exactement ce qu'il voulait être. Les autres, ils vont trouver que t'as manqué ton coup parce que t'as pas réussi à le former, à le briser. Un enfant problématique, moi j'en ai eu 3, j'en ai 3 encore d'ailleurs. Mais problématique, plus qu'il faut. Mais moi, j'ai jamais souffert avec ces enfants-là. Jamais. De la merde en masse pour les autres. Moi, j'ai jamais souffert avec. Partout où je voulais aller, s'ils veulent venir, ils ont toujours été les bienvenus. Souvent, ils sont venus. Mais c'est de la merde dans la société conventionnelle. C'est pas de la merde, ils sont hyper intelligents. Et évidemment, étant hyper intelligents, ils peuvent pas être normaux. D'ailleurs, moi, je suis pas normal, l'humain non plus. C'est bien compliqué. Mais l'enfant qui conteste, puis qui brise tout, qui lance tout ce qu'il y a dans les mains, qui quand même... Est-ce que c'est le cas du tien? Oui. Il a quel âge? Il a 2 ans. 2 ans? Parfait. Donc, c'est un enfant nouveau, c'est impeccable. Parce que s'il aurait eu 12 ans, il y a des problématiques à un moment donné où l'enfant, il veut suffisamment nouveau, mais on le brime continuellement, c'est qu'il finit par se venger. À 2 ans, ce qui arrive, c'est que cet enfant-là, premièrement, n'a pas encore réussi à établir d'amitié avec ses parents. Bon, il peut aimer ses parents, mais il n'y a pas d'amitié. C'est comme toi, si tu aimes ton mari n'est plus un ami. Okay? Il y a une maudite nuance à faire entre l'un et l'autre. Il peut aimer les parents, les aimer, mais ils sont pas des amis. Tu sais, alors il va respecter son ami. Mais sa mère, c'est sa mère. Tu sais, son ami veut pas y faire de la bouffe, il va comprendre, mais sa mère qui veut pas y faire, ouais, crime, ma mère, à quoi ça sert une mère? Il l'aime, mais c'est pas un ami. Alors, cet enfant-là n'a pas de relation amicale avec les parents. Et puis, en plus, on l'a instruit comme un enfant ancien. Sans doute, on n'a pas pensé qu'il pourrait comprendre l'intelligence de certaines choses. Alors, il doit apprendre, et s'il est rendu qu'il se rebelle en cassant, en criant, en maganant des choses, il va falloir qu'il apprenne en souffrant. C'est-à-dire quoi? Il va falloir qu'il se fasse traiter exactement comme il traite les choses. L'exemple que je te donnais, c'est que l'enfant arrive, il casse quelque chose. Toi, tu dois marcher, t'en aller, puis le frapper bang à terre, puis tu t'en vas. Tu continues, tu ramasses tes bébelles. Il va faire une maudite crise. C'est normal. Il a été programmé que ses parents étaient des andouilles. La journée... Non, mais je parle de son point de vue à lui, là. La journée que les parents... bang, baf! Elle l'a toujours vu. Elle a toujours été manipulée par tout ce qu'il faisait. Puis là, là, bang, bang. L'enfant est même plus dans la conscience de sa mère. Puis là, il va faire une crise. C'est préférable qu'il la fasse à 2 ans qu'il la fasse à 8 ans. Oui. OK? Parce qu'à 2 ans, il ne se suicidera pas. Mais il y en a qui a 4-5 ans, il y en a 8 ans déjà qui se suicident. Bon. Puis il y en a qui se suicident pour se venger de leurs parents. Ils savent que ça va faire chier le parent. Puis ça va se suicider. Puis ils se pendent dans la maison, ils font des conneries, ils leur font des maudites belles lettres. En tout cas, c'est génial. C'est de ta faute, puis c'est parfait. T'sais? Bon. À 2 ans, il n'y a pas de danger. Mais il y a le temps qu'ils apprennent à être traités comme ils traitent l'extérieur. Ça va être dur, faut qu'ils souffrent autant que vous en souffrez. Ce qu'il fait est stupide, il va finir par apprendre. À un moment donné, là, il va faire des crises, puis ça, il faut pas que ça touche les parents. Oh, je sais que les parents, présentement, vont être extrêmement touchés par ça, mais il faut absolument que les parents deviennent des bons acteurs, puis actent le fait qu'ils ne le sont pas. Puis à un moment donné, l'enfant, il va encore casser des trucs, puis il faudra aussi lui dire, regarde, je t'ai acheté ça. L'enfant tout content. Puis à un moment donné, tu passes à côté, tu casses ce que tu as acheté, tu t'en vas. OK? Extrêmement chien. L'enfant va finir par se rendre compte que... qu'il y a une désharmonie totale. Puis il va finir par savoir avec c'est exactement ce que lui fait. Puis là, à un moment donné, après 3-4 mois, là, il va falloir que tu lui dises, on peut faire un pacte. Je t'en ai, tu casses mes bebelles, mais j'aime bien casser les tiennes. T'aimes-tu ça casser les miennes? Il va répondre peut-être oui, peut-être non, parce qu'il va savoir où tu veux en venir. Puis là, il faudra faire un pacte. Casse plus. Puis il faudra que l'enfant apprenne par intelligence. Parce qu'un enfant de 2 ans qui fait ça, là, tape-le, chicane-le, ça va rien changer. OK? Ça va rien changer, ça va empirer les choses. Il y aura rien à faire, parce que si tu veux y aller par l'émotion, tu n'arriveras rien à faire avec. Parce que, encore une fois, la psychiatre appelle les enfants incassables. Oui. Torture-le, tu changeras rien chez lui. Il n'y a rien à faire. Il faudra que tu le prennes par l'intelligence. Il est intelligent. Puis pour le prendre par l'intelligence, quand il est rendu une phase bien avancée, il faut commencer par le heurter comme lui nous heurte. Simplement. Parce qu'il y a des enfants, vous les voyez dans un centre d'achat. Il y a des adultes qui sont debout, l'enfant, il passe. Hein? Il pousse, les adultes. Oh oui. OK, lui, il s'en va, le bang, bang, bang, bang. Bang, bang, paf, à terre. Il était à la caisse, t'attends toujours. La mère insultée, ben raide, puis tout le monde te regarde. C'est qui cet adulte-là? Pauvre petit! Ce pauvre petit-là, il mériterait un coup de poing en pleine face. Parce qu'il va être un tyran plus tard. Puis l'enfant nouveau qui devient tyran, c'est très dangereux. Très. Puis quand je dis très, je pourrais vous donner des exemples dans l'Antiquité, mais de toute façon, c'est très dangereux. C'est préférable. Il est très beau. Puis tout le monde le trouve tellement beau qu'il manipule tout le monde, casse-lui le nez. C'est important qu'il devienne laid. Parce que sinon, il va devenir un tyran majeur. Puis dangereusement. C'est des ennemis de l'humanité. Parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et s'ils n'ont pas compris l'ajustement puis l'écologie, c'est très dangereux. Ils vont prendre leur monde, puis ils vont l'établir partout, puis ils vont obliger les gens à suivre. Puis j'ai fait des conférences dans les pénitenciers, on a un paquet de criminels qui sont là, que c'est des gars que j'engagerais. Mais ils ont encore trop de mémoire, mais c'est du monde génial dans 1% des cas. Ouais, mais je peux pas me mettre à pitcher les affaires comme lui, il pitche. Non, tu pitches chez Bebel à lui, pas Étienne. Ouais, mais il pitche les nôtres après. Ah oui? Puis toi, tu cries pas après, tu cries jamais après un enfant. Crier après un enfant, c'est exactement comme fouetter un lion. Le fouette, le gars, il claque en haut du lion, en avant du nez du lion, mais il touche jamais le lion avec. Parce que le lion va tuer le gars. Le cheval, c'est pareil, fais-y peur. Mais fais-y pas mal. L'enfant, quand tu cries après, premièrement, tu finis par le programmer à être habitué. Fait que t'auras beau crier après ça, je t'entends même plus. Puis deuxièmement, c'est que c'est évident que t'es toujours hors contrôle quand tu cries, puis ça, lui, le perçoit. Donc, en partant, il t'a, comme ça. Il est ton maître. Alors, tu t'en viens, lui, il casse quelque chose, très important de le bousculer, lui. Tu recules, tu écrases un pied, tu t'en vas. Il va broyer. Tu le regardes, va-t'en. Tu vas avoir peur qu'il pense que tu l'aimes plus. C'est ce qu'il va penser. Tu te sens pas, c'est ce qu'il va penser. Là, il va tout faire à un moment donné pour gagner ton amour. Après avoir tout fait pour t'obliger à le lui redonner. Ben, c'est chien, enfant nouveau. Très chien. Mais à 2 ans, c'est le temps d'en profiter parce qu'à 4 ans, il va te menacer de choses que tu vas tellement avoir peur que tu pourras plus... Tu sais, à 4 ans, c'est dit, moi, je vais me suicider. Ben là, tu oseras pas prendre le risque. À 2 ans, il le fera pas. Il va te faire de sainte tout ce que tu voudras. C'est à toi de t'organiser pour fonctionner. J'ai un bonhomme qui était un vrai maître. Un gars pas instruit, ça pas lire rien, habillé tout croche, il se baignait à poil dans le lac Saint-François. Il tassait les cubes de glace le printemps, il se baignait là-dedans avec 3 ou 4 de ses chiens. Et puis à un moment donné, ben il y avait un chien qui mordait tout le monde, qui agressait, puis on a voulu le tuer. Pas un de ses chiens, lui, un chien qu'un bonhomme qu'il avait dans un village près d'où ce qui restait. Il est allé chercher le chien, puis il leur a dit, moi, donnez-moi le chien. Il a amené le chien, mais d'une cage. Il l'a mis dans un champ, il a réussi à l'attacher après un piquet. Mais le chien, il était pas malade, mais pas physiquement, mais psychologiquement, c'était vraiment pas un cadeau. Alors, il allait chercher de la bouffe, puis quand il approchait du chien que ça bouffe, le chien, là, prenait les morceaux de poulet, puis il tirait dans la face du chien. Puis il s'en allait. Et le chien finit par se rendre compte que la bouffe, c'est l'autre qui y amenait. Puis comme il gueulait après, ben, il mangeait les morceaux d'os par la tête. Puis il est venu un temps où ce chien-là finit par comprendre. Quand le chien gueulait moins, le gars y arrivait, puis il approchait pas parce que le chien, hein, c'est hypocrite, un chien, comme un humain. Alors il lançait ses trucs en avant, puis le chien pouvait bouffer. Puis là, il parlait avec une voix correcte. Puis il revenait après, le chien était encore à mancher, il tirait la caisse de poulet dans sa tête. D'ailleurs, il même qui goûtait au poulet avant de donner à ses chiens, il tenait pas à les nourrir de viande avariée. Puis c'est le seul chien aussi qui goûtait pas. Puis à un moment donné, ben le chien, il a pu venir vivre avec. Quand il y a d'autres mondes qui arrivaient, il fallait qu'il check. C'est un chien dangereux. Mais il a réussi à le dresser. Puis ça, c'est un chien. Un enfant, c'est mieux que ça. Fait que c'est le même phénomène. Faut que lui sache que quand lui, tu honoreras ton père et ta mère s'ils sont honorables. Faut qu'il sache que tu honoreras tes enfants que s'ils sont honorables. Il doit absolument l'apprendre. Les exemples les plus évidents. Pourquoi un enfant de 6 ans ferait le ménage de sa chambre, ramoncherait son linge, ses livres d'école, quand la bonne femme est ramasse, puis elle fait sa chambre? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est tannée de crier après. Ben non. Ben non. Lui, il aime ça une chambre propre. Hein? Il aime ça, tous les enfants aiment ça les chambres propres. Pourquoi ils font pas le ménage de chambre? La mère, elle le fait. Oui, mais quand je le fais pas, il le fait pas. Non. Puis, il sait que tu vas souffrir plus que lui. Fait qu'il fera pas, il va attendre. Il sait officiel que tu vas finir par commencer. Fait que lui, il a aucun problème. Non, mais c'est vrai, mais c'est intelligent, c'est de l'intelligence. On doit pas se frustrer d'avoir un enfant de même, on devrait être content. Daniel, moi, je rentrais dans sa chambre à un moment donné, puis il fallait que je passe comme ça, là. Puis après? Il l'a jamais fait. Ben oui. Jamais. Puis après? Oui, mais après. Faut pas que quelqu'un fasse, qu'il y a de la poussière, là, j'ai si sale. Oui, mais lui, avez-vous déjà expliqué l'intelligence de l'ordre? Lui, avez-vous prouvé que c'est intelligent d'être en ordre? Ta sacoche est-tu en ordre? Les valises de char des hommes ici ou de ceux qui ont des femmes qui ont des autos, est-tu bien en ordre? Les garages. En tout cas, on peut en chercher des places. Et vous savez tous qu'on a besoin dans une maison d'un petit coin où ce qu'on peut tout foutre là n'importe comment. Oui, c'est vrai. Mais l'enfant, il y a rien que sa chambre. Non, mais c'est vrai! Que l'enfant, il a rien que sa chambre. Donnez-lui un garde-robe ou une caisse, puis dites-lui que quand, là, t'es tanné, là, prends une pelle, pousse tout là-dedans. Ferme. Juste pour que il va finir par apprendre des choses. Puis après ça, faut lui expliquer avec, tu te sens pas bien quand tout est propre, il va dire oui. Mais quand il joue, il sent bien quand tu joues. Fait que là, quand il sort tout, mais après ça, quand tout est plein, il sent bien quand c'est propre. Mais là, quand il voit l'énergie qu'il devra mettre pour mettre ça propre, il préfère attendre que la bonne femme passe puis qu'elle fasse. Tu sais, pas ce que j'ai. Bon, un enfant intéressant. L'enfant, il laisse traîner son linge partout. Il est rendu à 8, 9, 10 ans. C'est dur pour les parents, mais maudit qu'ils comprennent vite, les enfants. Là, 8, 9, 10 ans, il y a un petit gars, il invite une petite fille chez lui, dans sa chambre. Il va pousser un peu que de bebelle, là. Puis là, ben, tu sais qu'il va amener. Bon. Fait que il fait souvent, il l'amène après l'école. Fait que toi, tu prends tes bobettes, tu les mets dans sa chambre. Tu vas comprendre l'intelligence de ramasser son linge. C'est simple! C'est très simple! Faut que les parents soient pas trop orgueilleux! Mais c'est évident que là, l'enfant, il va chialer! Ben quoi? C'est la même affaire partout ici! Puis moi, je me suis dit, t'as peut-être raison de laisser le linge traîner partout. Je suis pareil comme toi. Et là, la manière que tu cries, je pense que j'ai raison. Que le linge traîne pas. Qu'est-ce que t'en penses? Il va trouver sa mère de chienne, de tout ce que vous voudrez. Puis il va ramasser son linge, je crois. C'est une question tout à fait... Hein? Si l'enfant n'a pas trop d'orgueil... Fais-toi-en pas. Si l'enfant n'a pas trop d'orgueil, félicite-toi encore. C'est un être humain heureux, encore plus parfait. Là, il faudrait que tu t'assoies pour jaser avec lui de l'esthétique. Et rendu à cet âge-là, il est capable de comprendre bien des choses. Puis après ça, il faudrait que tu dises avec lui, on va juste... faut que tu bâtisses un monde avec lui. Puis là, tu fais le ménage du frigidaire à un moment donné où tu faut jaser avec l'enfant, mais pas lui expliquer comment c'est beau. Posez-lui des questions. Là, je fonctionne juste. C'est-tu capable de chercher pendant une demi-heure quelque chose? Ben, dis oui. Ben, je vais dire ça. Quand on est rentré... Oui, ben, c'est ça. Posez des questions. Maman est tannée de... Il reste tannée. C'est ça. Faut que lui soit tanné. Ils sont pas fous. Ça prend du temps, vous allez... ça prend plus d'énergie, présentement. Et quand un enfant a compris bien des choses, tu sais, l'évolution, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'instruction, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qu'il a appris, il va l'avoir. S'il l'oublie pas, il va s'en servir. Tout ce qu'il n'a pas appris, il faudra que tu y montres. Si tu y montres d'être intelligent, puis s'il permet d'apprendre comment apprendre, ça prend du temps dans le début, hein. Mais après ça, c'est comme ça. Toi, tu rentres quelque part, t'as jamais été, mais tu sais comment te tenir. S'il lui a appris à apprendre, il va rentrer avec toi, pis t'as rien à dire non plus. S'il faut que tu y montes tout, quand il va rentrer là, il faut encore que tu y fasses remontant. Fait que c'est plus tough de même, il continue. La maison même, c'est un bordel. C'est pas grave, c'est l'enfant, puis toi qui est important. Oui, mais moi, j'aime ça, un cadre beau. T'as bien qu'à pas faire d'enfant? En faisant rentrer l'enfant là, tu fais rentrer un humain à part entière qui aura le droit d'imposer son temps, son espace, sa vie à la tienne. Pas choix. Puis toute l'éducation de l'ancien, c'est d'imposer à l'enfant notre monde. Non. Tu veux vivre avec un gars, il va avoir ses babelles, tu mets un enfant au monde, c'est un adulte à part entière, un humain à part entière. Pas un adulte, mais un humain. Alors, il aura le droit à son monde. Si dans son univers, tout est bordel, faudra que tu vives avec ça. Dans le tien, tout est propre, faudra qu'il vive avec ça. Maintenant, c'est pas une guerre qui devra s'établir entre les deux, c'est de l'intelligence. L'enfant qui te dit, on devait aller au parc aujourd'hui. Oui, mais là, faut que je fasse le ménage, j'ai encore fait ça. L'enfant qui va te répondre, ben maudit, le ménage, ménage, on va aller au parc, on va vivre, le ménage, il pourra bien attendre. Trouve pas de 156 raisons, il a raison, l'enfant. Puis s'il apprend que quand il a raison, suffite. Quand tu vas lui amener des points intelligents, il va se dire, toutes les fois que j'amène des points intelligents, comprend, donc il est pas folle. Ça va mettre des points intelligents à peut-être raison. Il va donc les analyser lui avec. Puis là, il va finir par comprendre les choses. Oui, mais si tu vas au parc l'après-midi avec tes enfants, là, hein, puis soit t'as reçu de la visite puis que la maison est sale comme un bordel, c'est qui va avoir honte? Tu fais un pacte avec l'enfant? Qui va avoir honte? La visite. Mais pas toi, j'espère. Mais tu fais un pacte avec l'enfant. Non, mais c'est vrai, franchement. Tu fais un pacte avec l'enfant. T'expliques à l'enfant, tu fais un pacte. Ça, les enfants vont avoir une parole si vous en avez une. Si tu promets quelque chose à un enfant, exécute. Si ça te coûte 1 million, force-toi pour l'exécuter. Puis là, l'enfant, quand il aura une parole, quand il aura donné sa parole, il va le faire aussi. Parce que tu sais, il faut qu'on en arrive à ce que la parole soit un contrat. Alors, tu expliques à l'enfant qu'on va faire ça, ça, ça, mais j'aurai besoin d'aide après. Ah oui, oui, qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider après? Faut clarifier, parce qu'un instant, oui, mais... Après, ils sont pas. Faut clarifier, faut dire tu vas faire ça, l'enfant, il va vous dire ce qu'il va faire. Tu lui expliques que moi, là, je suis une vieille bonne femme, tout pognée, là. Puis je reçois des invités tout pognés, là. Puis nous, on a besoin d'une maison propre. Sinon, la main, elle veut taper quelque part. Ça, c'est un tic. Bon, l'enfant va rire, mais il comprend tout le message. Puis là, si tu fais le pacte, tu lui dis, quand on va revenir, il faut que ce soit ça. Ah oui. Tu peux même l'enregistrer, si tu veux. Quand tu vas revenir, la première chose qu'il va faire, il y a des fortes chances qu'il ne t'écoute pas. Il va dire, je vais aller jouer. Là, tu le ramasses, tu le fous dans sa chambre. Les enfants qui n'ont pas de parole, moi, je veux même pas que ça vive. Clac! Quitte-en pas. Il va faire une crise, tu fais comme pour ton enfant. Non, non. Si tu m'as dit que tu le ferais, Ben, on le fait ou on le fait pas. Mais si on le fait pas, tu disparais. Mais dans la chambre. Faut parler qu'une voix, pas crier, qu'une voix qui a de l'énergie. Puis l'enfant, il fera ce qu'il voudra. Mais la prochaine fois qu'on va t'acheter, tu vas lui dire, là, on sort encore, mais en revenant. Ah oui, oui. Oui. Mais là, là, la dernière fois, je t'ai mis dans la chambre. Mais cette fois-ci, je te passe à travers le mur. Il sait que t'es honnête. Puis là, tu vas lui dire, si par contre, tu fais ce que tu dis, n'importe quoi, tu vois quelque chose de moi, on pourra s'entendre. Puis l'enfant, il est pas fou. Et là, il va apprendre à échanger l'énergie. Mais il faut que le parent soit... Quand c'est intelligent, il faut que tu fasses comme l'enfant va faire. C'est évident qu'il va s'essayer. Vous autres, vous essayez tout le temps. Mais l'enfant aussi. Mais il faut que lui sache. Il y a un paquet d'enfants et des parents ici qui ont des enfants. Mais quand je travaille avec eux autres, ces enfants-là, moi, j'ai jamais aucun problème. On donne des cours de, d'art d'aime. C'est une forme d'art martial. Bon, ça défoule les enfants, ça leur montre comment connaître leur corps un peu, le contrôler. Ça défoule un peu leur agressivité. Mais quand je travaille avec eux autres, je leur demande de se taire, ils se taisent. Dernièrement, je travaillais, puis il y a un tout petit jeune, qui était ancien, mais là, qui transite. La preuve, c'est qu'on disait de faire des choses ben, ben achalant, ben tannant, puis quand il parle, tu vois les yeux qui fuient. L'enfant nouveau fait pas ça. Sauf s'il l'a appris. Puis à un moment donné, ben, il transite suffisamment que pendant que moi, j'étais en train de parler, il te lâche un grand cri. Waouh! Pour rien. Mais là, j'ai pas attendu 20 minutes, hein. Je l'ai regardé, puis il m'a eu d'en face en maudit, hein. Tu recommences une autre fois, puis je vais plus jamais te revoir dans la classe. Il a compris le message. Sauf que l'enfant ancien serait très traumatisé. Parce que de l'énergie, quand je veux en mettre, j'en mets. 5 minutes après, il écoutait. Mais il a toujours une très, très bonne relation avec moi, donc il ne peut pas faire autrement que de continuer à me respecter et à m'aimer. Mais il y a eu un choc. Alors, il y a des combats, puis les professeurs se battent avec les enfants, parce que les enfants ont besoin de se battre avec les adultes. Des combats au sol. Puis je passe par en arrière, puis je m'envoie mettre les deux mains sur les épaules, puis je commence à faire un massage. Là, il me regarde et dit, « Puis tu me battes avec toi après? » Fait que là, je sais que tout est parfait. Il rira plus, par exemple, que mon fin de classe. Mais il va revenir tout au cours. Parce que s'il y a un adulte sur la planète qui aime, c'est bien moi. Après ça, ben c'est évident que je me suis battu avec. La semaine d'après. Faut pas qu'il pense me racheter. Trop vite. Ça, il y a un paquet de subtilités, mais on a tellement peur qu'il nous aime plus ou de perdre ceci ou cela qu'on n'arrive plus à rien faire. Mais quand ton enfant est pas mal plus costaud que toi, là, tu sais, je veux dire, vers 14 ans, là, un garçon, là, c'est plus gros que le maire de Salé. Puis là, il commence à vouloir jouer un petit peu des bras. Puis là, il commence à... Tu sais? Puis là, la mère, elle dit, oh, ouais, ben, il me semble que rentrer dans le mur, il me semble que je suis plus capable. Ce que je te dis, 14 ans en montant, l'éducation est pas mal finie. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut que tu deviennes un ami. Puis un ami, c'est comment? C'est... Il y a une personne ici qui a eu des problèmes dans le genre. Puis à 14 ans, s'il devient têteux, tu le fous à la porte. Puis l'enfant, il veut pas, puis l'enfant, il fait ci, il fait là. Maintenant, 14 ans, là, c'est le temps. S'il a sa chambre, bordel, comme qu'il voudra, c'est pas grave. Permets-lui d'avoir son espace vital. Mais tout le reste de la maison, là, il va faire ça ou il va vivre ailleurs. Ça, faut qu'il le sache. Il va tout faire pour ne pas le faire, tu t'organiseras. Tu déménageras, tu feras ce qu'il faudra, mais il va falloir absolument que... Parce que la seule chose maintenant qu'il reste à faire, considère-le comme le voisin. Non, le voisin, ben correct. Je te dis, c'est mon enfant. C'est pas ça l'idée. Si tu te considères comme ton enfant, il va te considérer comme ta mère, comme sa mère. Fait qu'il va faire tout ce qu'il va vouloir avec toi. Fait que là, maintenant, faut qu'il sache tout de suite que t'es un adulte, c'est un adulte. C'est ta maison. S'il veut mettre le bordel dans la moitié de la maison, il faudra qu'il paye la moitié du loyer. Sinon, ben, il va se contenter de la chambre, il fera ce qu'il voudra là, mais quand il mange puis qu'il met la vaisselle sale, ben, tu vas t'organiser pour mettre du stuff dans la vaisselle puis tu vas la mettre dans sa chambre. Ça sent mauvais, ça sentira mauvais dans sa chambre. Puis si elle laisse là, laisse-le là, il te niaise. Mais il est en train lentement d'apprendre à faire le ménage. Ça sera pas tout de suite, hein? Mais il restera pas longtemps comme ça. Peut-être 2-3 mois s'il est bien tough. Mais peut attirer. Mais concret! Va en avoir dans sa chambre. Ouais. On a plein de peurs comme ça. Mais l'éducation de l'enfant est plus importante que toutes ces petites choses secondaires-là. Puis bien souvent, tout ce qu'on a peur dans le genre arrive jamais. De toute façon, si l'enfant vit que toi, il pourra pas endurer longtemps ça parce qu'il veut pas y est coloré parce que t'es. Il se révolte, mais quand même, veut pas. Mais il faut le pas, c'est pas de s'astiner, c'est de leur dire ce qu'il en est. Ils aimeront pas ça dans le début, tu sais, c'est comme quand la mère commence à aller travailler, il faut que le bonhomme fasse la vaisselle. Il aime pas ça. À un moment donné, il va en faire la vaisselle. Alors, ben, les autres questions, on les conserve. On va faire... l'été, on continue à fonctionner, sauf que je vais continuer à faire des conférences sur l'enfant. Mais ça me tourne dans la tête depuis un an et demi de faire un séminaire intensif sur l'éducation de l'enfant pour les adultes et puis d'en faire un après ça pour les enfants pour montrer aux enfants comment vivre avec les adultes. C'est très important. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de parents qui vont inscrire leurs enfants. Parce que ça, c'est cet automne. Fait qu'en attendant, de toute façon, je donne des conférences régulièrement. S'il y a des questions sur l'enfant, vous vous gênez pas. Souvent, les parents viennent me dire, moi, j'ai tel problème avec mon enfant, qu'est-ce que je pourrais faire? La seule réponse que je peux leur dire, si je le verrais, je pourrais te le dire. Les réponses par téléphone, là, en différé, c'est bien compliqué. Mon enfant, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il est malade, tu sais, je sais pas ce qu'il y a, bon. Et à un moment donné, j'ai vu le sien. Puis le sien, il est juste passé à côté de moi, il m'a donné une claque sur le ventre en me disant allô. Fait que c'était évident que c'était un enfant nouveau. Alors, instantanément, il m'a regardé, puis j'ai vu tout de suite qu'on s'entendait bien, bien, bien, tous les deux. Il avait qu'il le su. Elle est venue me parler de ses problèmes d'enfant. Et j'avais vu